إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur la continuité de ce cours sur l'étude du livre de l'unicité du grand imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc on est toujours sur l'étude de ce chapitre où l'auteur a fait allusion à ce verset dans la sourate Les Bestiaux, comme on avait évoqué cela, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il est certes le créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre bilhaq. Donc on avait dit que dans ce chapitre, donc, l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, nous a parlé de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit que c'était très pertinent et judicieux que l'auteur mentionne ce chapitre à ce moment-ci, c'est-à-dire qu'en guise d'intitulé à ce chapitre, il a utilisé ce verset lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous enseigne qu'il a créé les cieux et la terre bilhaq. On avait bien détaillé cela et traduit cela dans les allocutions précédentes, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a créé les cieux et la terre pour un but bien précis et bien défini. Et on a dit donc cela nous mène à observer, à contempler cet univers et donc la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'après l'observation contemplative de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien cette observation et cette contemplation va résulter de celle-ci la reconnaissance de cette immense création. Et donc à plus forte raison, la reconnaissance de la grandeur du créateur de cette création et donc de l'immensité et la grandeur de ce créateur, du fait que si on observe cet univers et la création d'Allah, on va se rendre compte de l'immensité de cette création et de la perfection de cette création. Et donc cela nous indique la perfection et la grandeur et l'immensité et la majesté du créateur de cet univers. Et donc on a dit à ce moment-là, donc le croyant, celui qui reconnaît cela, celui qui observe cela, hein, qui contemple cela, alors il sera épris aussi bien de vérité, il sera épris de crainte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on a dit que celui qui reconnaîtra son Seigneur et connaîtra son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors il sera épris d'une crainte, il sera envahi de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, une sorte de crainte qu'on a appelée une crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, on avait dit que ceux qui craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs, c'est ceux qui le connaissent, c'est ceux qui ont une connaissance profonde concernant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans la dernière allocution, on avait cité cette très belle parole qu'avait rapporté Sofiane Thauri d'après Hayyan, Abu Hayyan, ou Abi Hayyan Taimi, d'après un homme qui disait que les savants sont de trois sortes. Donc on avait mentionné trois sortes de savants. Le premier, on avait dit, c'est celui qui a la connaissance d'Allah, c'est-à-dire qui est connaissant, connaisseur plutôt. Donc c'est celui qui, connaissant Allah, il est connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il connaît les lois d'Allah. Ça, c'est le premier. La deuxième sorte de savant, on avait dit, c'est celui qui est connaissant, connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît son Seigneur, et par contre, il ne connaît pas forcément les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, en d'autres termes. Troisième sorte de savant, c'est le savant qui connaît les lois d'Allah, Mais par contre, il n'est pas connaisseur de son Seigneur. Il n'est pas connaissant. Il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait dit que la première sorte, ces savants-là qui connaissent aussi bien Allah et qui connaissent les lois d'Allah, eux craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième sorte, on avait dit de savants, c'est les savants qui connaissent Allah, ils ont une connaissance concernant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, ils sont connaisseurs. Par contre, ils ne connaissent pas forcément les lois d'Allah. Ils ne sont pas connaisseurs au sujet des lois d'Allah. On a dit que eux le craignent. Leur connaissance d'Allah fait qu'ils le craignent, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième sorte, on avait dit, c'est ceux qui connaissent les lois d'Allah, mais qui ne connaissent pas forcément Allah, subhanahu wa ta'ala. On avait dit, ceux-là ne craignent pas Allah, subhanahu wa ta'ala. On avait dit, فَلَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا. Pour cela, on comprend de cette parole qu'il y a des savants qui ne maîtrisent pas forcément les lois, hein, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui, eux, leur connaissance d'Allah jalla wa'ala fait qu'ils le craignent. Et ils ont cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette crainte révérentielle. Par contre, il y en a d'autres qui sont connaisseurs, qui sont savants concernant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne connaissent pas véritablement leur Seigneur. Et de ce fait, ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc connaître les lois d'Allah, connaître les commandements, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne signifie pas connaître Allah et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'était une très belle parole qu'on a évoquée dans la dernière allocution. Ainsi, il nous est rapporté une très belle parole de Abdallah ibn Mas'ud, ce célèbre compagnon parmi les grands compagnons. Il disait, أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. Et il disait, la science, c'est pas la connaissance d'une multitude de hadiths, de récits, mais il dit, la science, c'est la multitude, si vous voulez, il dit, c'est la crainte d'Allah Jalla wa Ala en abondance. ولكن العلم عن كثرة الخشية. La science, en réalité, c'est la crainte. C'est cette crainte qu'a le serviteur concernant au sujet de son Seigneur, Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une très belle parole. C'est pour ça qu'il nous est rapporté qu'un homme qui s'appelait Ahmed ibn Salih al-Misri, an ibn Wahb, an Malik, il rapportait d'après ibn Wahb, le célèbre compagnon de l'imam Malik, d'après l'imam Malik lui-même, que l'imam Malik disait, Inna al-ilm laysa bi kathrat الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. Que l'imam Malik disait dans cette très belle parole, il disait, certes la science, laysa bikathrat الرواية. La science, ce n'est pas la connaissance d'une multitude de narrations. Mais il dit, وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. Mais il dit, certes, le savoir, la connaissance, hein, la science, c'est une lumière qu'Allah Jalla wa Ala met dans le cœur de son serviteur. Hadihi, celle-ci, c'est une lumière qu'Allah Jalla wa Ala met dans le cœur de son serviteur. Et lui-même, le rapporteur de cette parole de l'imam Malik, on a dit, il s'appelait Ahmed ibn Salih al-Misri, ce rapporteur lui-même, il va commenter, il va faire une annotation, et il dit en annotation, Marnahu an al-khashyata la tudrak bi kathrat al-riwaya. Il va annoter cette parole de l'imam Malik lorsqu'il dit que cette science, ce n'est pas la connaissance forcément d'une multitude de narrations, mais c'est une lumière qu'Allah met dans le cœur de ses serviteurs. Ahmed ibn Salih al-Misri, il dit le sens de cela, an al-khashiyata, le sens c'est que la crainte, la tudrak bi kathrat al-riwaya, elle ne va pas s'atteindre forcément avec la connaissance d'une multitude de narrations. La crainte ne va pas s'atteindre forcément avec cela. Et ça, c'est une notion très importante à avoir, de bien comprendre cela. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah Jalla wa Ala menace ici ceux qui n'ont pas cette crainte envers lui, ceux qui n'ont pas la crainte d'Allah Jalla wa Ala, et ceux dont, même avec l'évocation des versets d'Allah, même avec l'évocation d'Allah, leur cœur ne s'apaise pas, leur cœur ne s'adoucissent pas, Allah Jalla wa Ala les menace d'une chose sévère. Et cette chose par laquelle il les menace, c'est la dureté des cœurs. C'est pour ça que l'une des punitions de ceux qui ne prennent pas le rappel d'Allah, de ceux qui ne craignent pas Allah Jalla wa Ala comme il se doit, alors Allah Jalla wa Ala peut les punir par l'une des plus grandes punitions qui est la dureté des cœurs. Et ça, c'est très important de le savoir et de se le remémorer. C'est pour ça qu'on a, on a une parole d'un imam qui disait Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, il disait Ma duriba abdun bi'uqubatin a'zam min qaswati al-qalb. Wa ma ghadiba Allahu ala ahadin illa nazara ar-rahmata min qalbi. Regardez, Malik ibn Dinar nous disait cette très belle parole. Il disait, il n'y a pas un serviteur qui était frappé par une plus grande punition si ce n'est la dureté du cœur. Si ce n'est la dureté du cœur. Il dit, il n'y a pas un sans qu'Allah Jalla wa Ala soit en colère contre lui, sans qu'il ôte et enlève la miséricorde de son cœur. Donc vous avez dans cette parole, Malik ibn Dinar, il nous dit que la dureté du cœur, ça fait partie des plus grandes punitions qui peuvent atteindre la personne et le serviteur. Et donc, de ce fait, là, dans une autre et une précédente allocution, on avait fait allusion à un verset, justement. Un verset dans Sourate Zumar. On avait dit un verset qui est immense. Où Allah Jalla wa Ala nous dit « فَوَيْنُ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ » Malheur à ceux qui, face à l'évocation d'Allah, ont les cœurs durs, notre traduction relative. Allah dit « فَوَيْنُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقَشَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Regardez, on avait fait déjà allusion à ce verset. Donc c'est le verset 22 et 23 dans Sourate Zumar. Et dans une traduction du sens, où Allah Jalla wa'ala dit malheur donc à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'évocation d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Et ensuite Allah Jalla wa'ala nous fait part, nous enseigne, il dit qu'il a révélé, il a fait de ce livre un discours sublime. C'est-à-dire, il a révélé un discours sublime en un livre aux versets concordants où alternent les promesses et les menaces, en quelque sorte. C'est-à-dire un livre hein, où Allah Jalla wa Ala nous dit « Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha mathaniya taqasharru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum » Donc Allah dit qu'il a fait descendre « ahsana al-hadith » le meilleur des livres, le meilleur des récits, le meilleur « kitaban mutashabiha » Kitaban mutashabiha mathaniya taqasharru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Et de là, Allah Jalla wa Ala dit que ces versets qui sont dans ce livre, justement, font frémir le corps ou la peau d'eux, de ceux qui le craignent. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Ensuite, Allah nous dit, et ensuite, leur peau et leur cœur va s'adoucir, s'apaiser du rappel d'Allah. Allah nous dit « ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَى » Et voici la guidée d'Allah. Allah guide vers celle-ci qui il veut. « وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ » Et celui qu'Allah égare, personne ne pourra lui trouver une guidée. Donc c'est un verset qui est immense. C'est pour ça que Ibn Kathir, dans l'explication de ce verset, il a dit, c'est-à-dire que ceux qui ont ces cœurs durs, ce qu'Allah Jalla wa Ala a dit, malheur, donc à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'évocation d'Allah, c'est-à-dire, ce sont plutôt ceux dont leur cœur ne s'adoucit pas, ne s'apaise pas, lorsqu'ils sont face à l'évocation d'Allah, lorsqu'Allah leur évoque, wa la tarshir, et ne craignent pas Allah Jalla wa Ala, wa la ta'i, et ils ne sont pas réceptifs, wa la tafham, et ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a l'imam Al-Qurtubi, qui disait dans son tafsir, justement, أَنَّ قُلُوبَهُمْ تَزْدَدْ قَسْوَةً مِنْ سَمَاعِ ذِكْرِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ مَعْنَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَنَّ قُلُوبَهُمْ تزداد قسوة من سماع ذكره. الإمام القرطبي, regardez ce qu'il disait. Lorsqu'Allah dit, malheur à ceux, donc, à ceux dont les cœurs demeureront insensibles à l'évocation d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. L'imam Qurtubi dit une très belle parole. Il dit, ces gens-là, ce sont ceux que lorsqu'il y a l'évocation d'Allah, lorsqu'Allah leur est évoqué, leur cœur ne cesse de s'endurcir. أن قلوبهم تزداد قسوة من سماع ذكري. Leurs cœurs ne font que s'endurcir au lieu de s'adoucir. Et donc, eux, au lieu d'accepter la vérité, lorsqu'elle leur est exposée, alors eux, ils réfutent cela et leurs cœurs s'enorgueillissent et leurs cœurs s'endurcissent. C'est pour ça que, قال بعض العارفين حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. C'est pour cela que certains connaisseurs hein, et certains savants disait que husnu adab al-zahir, le bon comportement apparent, en réalité, reflète le fond intérieur. Donc lorsque la personne a un bon fond, lorsque son fond intérieur est bon, alors cela va s'extérioriser et se refléter d'une manière externe. Wa idha athmara al-ilmu fi al-qalbi khashyatan wa khushu'an. فهذا هو العلم النافع الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه. Et c'est pour ça que les savants disaient que lorsque ce savoir, cette connaissance d'Allah, elle va porter ses fruits et donner existence à ce qu'on appelle al-khashiyah ou al-khushu', à la crainte d'Allah et à la dévotion, alors les savants disent c'est ça qu'on appelle la science profitable et bénéfique. Et c'est celle-ci que le prophète avait demandé à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Par contre, les savants disent, si ce savoir-là et cette connaissance d'Allah n'apporte pas au cœur la khashiyah, la crainte qu'il faut, et la dévotion, la révérence qu'il faut, alors cette science-là, c'est cette science dont le prophète cherchait protection auprès d'Allah. Et c'est cette science dont le prophète avait enjoint sa communauté à chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette science. C'est pour ça dans un dua, il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, donc regardez, on a un dua, une invocation qui nous est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique de l'imam muslim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était célèbre qu'il disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pour ça, dans ce récit, il a rapporté que le prophète sallam disait au Seigneur, inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', au Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre une science qui ne profite pas, une science qui n'est pas utile. Wa min qalbin la yakhsha, et contre un cœur qui ne craint pas. Wa min nafsin la tashba, et contre une âme, un être, une âme qui n'est jamais satisfaite. وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا, et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Regardez, le prophète sallam se réfugiait auprès d'Allah et cherchait protection. Il avait enjoint sa communauté de chercher protection auprès de ces choses-là. Contre une science qui n'est pas profitable, contre un cœur qui ne craint pas, contre une âme qui n'est jamais satisfaite et contre une invocation qui n'est pas exaucée. C'est pour cela qu'il nous a rapporté une très belle parole. قَالَ أَبُو عَمَرٍ Rahimahullah, fi Jami'i Bayan al-Ilm, dans le livre Jami'i Bayan al-Ilm. Il disait qu'un homme qui s'appelait Yazid ibn Qudr, il disait Yushiku an tara rijalan yatlubuna al-ilma, fayataghayyaruna alay kama yataghayyar al-fussaq 'ala imra'atin wa huwa hadhuhum min. Et cette parole, c'est vraiment une parole qui fait peur, hein, qui donne de l'effroi, de sorte que cet homme disait, ce savant disait, Yushiku antara rijalan yatlubun al-ilm. Il dit, on est sur le point de voir des hommes. Ils apprennent la science, ils sont en quête de savoir. Fayataghayyaruna alayhi kama yataghayyaru al-fussakh 'ala imra'ah. Et il dit, on est sur le point de voir des hommes qui sont en quête de savoir et apprendre le savoir, alors qu'ils vont se jalouser et se rivaliser, alors qu'ils s'envient et se jalousent, comme les pervers s'envient et se jalousent au sujet d'une femme. Regardez cette parole qui fait vraiment peur. Regardez, il disait, on est sur le point de voir des hommes apprendre la science et apprendre le savoir et se concurrencer, se rivaliser, s'envier, comme les pervers s'envient et se jalousent pour une femme. Et ça sera leur part de cela. Ainsi, lui-même, l'imam Sofiane Thauri, nous a rapporté une très belle parole de sa part aussi. Sofiane Thauri, dont on a parlé dans la dernière allocution, on a évoqué certains traits de sa vie. Et il a une très belle parole qui lui est attribuée lorsqu'il disait Innama yuta'allamu al-'ilmu liyuttaqa bihi Allahu jalla wa ala. Innama yuta'allamu al-'ilmu liyuttaqa bihi Allah. Wa innama fuddila al-'ilmu 'ala ghayrihi li'annahu yuttaqa bihi Allah. Il disait cette très belle parole qui, il disait, en effet, cette science, on l'apprend parce qu'elle procure de la crainte d'Allah. Parce que par cette science, l'homme fait preuve de piété et craindra Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama fuddila al-ilm, et pour cela, cette science a été préférée, cette science-là, par rapport aux autres sciences et aux autres savoirs, li'annahu yuttaqa. Bihillah, il a dit pourquoi? Parce que par cette science, on craint Allah. C'est-à-dire que cette science nous mène vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadahu al-ilm an-nafi' alladhi sa'ala Allah, alladhi sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah jalla wa ala an yazidahu min hadha al-ilm. Et aussi, il nous est rapporté un récit qu'il faut vraiment méditer. Et ce récit-là, ce hadith-là, c'est Abu Darda. Abu Darda, le célèbre compagnon, il rapporte qu'un jour ils étaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Kunna ma'a Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Fashakhasa bi basari ila sama. Thumma qala hadha awanu yukhtalasu. Hadha awanu yukhtalasu al-ilmu min an-nasi hatta la yaqdiru minhu ala shay. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari. كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئن نساءنا وأبناءنا ونقرئنه نساءنا وأبناءنا. Donc regardez cette très belle parole ou ce récit important. Ou Abu Darda, il dit, un jour nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah a commencé à regarder vers le ciel. Et lorsqu'il regarda vers le ciel, ensuite, il leur a fait part du moment où la science sera prise des hommes. Alors qu'eux n'y pourront rien. Ils ne pourront rien faire contre cela. Yani yurtalasu al-ilmu minan nas. Cette science sera ôtée et prise des hommes alors qu'ils ne pourront rien faire contre cela. Alors un homme dit, s'adressa en disant, wa huwa Ziyad ibn Labid al-Ansari. Un homme qui s'appelait Ziyad ibn Labid al-Ansari. Il disait, wa kayfa yurtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an. Il dit, comment est-ce que cette science pourrait nous être retirée alors que nous lisons le Coran, ou bien dérobé, le terme qui est mentionné, plus dans le sens littéral, dérobé. Comment cette science pourrait être dérobée alors que nous lisons le Coran, le livre d'Allah? Il dit par Allah, لَنَقْرَأَنَّهُ, certes nous le lisons, le livre d'Allah, وَنَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. Et on le fait lire, on l'enseigne à nos femmes et à nos enfants, à nos épouses et à nos enfants. Alors c'est pour ça qu'il demande, mais comment est-ce que cette science pourrait nous être dérobée? Faqala thaqilatka ummuk ya Ziyad in kuntu la udduka min fuqaha ahli al-Madina in kuntu la udduka min fuqaha ahli al-Madina hadhihi at-Tawrat wal Injil عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فماذا تغني عنهم. Et ensuite, alors, il est dit que ta mère te perde aux Ziyad. Et ça, c'est une expression célèbre à l'époque des Arabes pour vraiment attirer l'attention sur ce qui va être dit. Certes, je te considérais parmi les grands juristes et les savants de Ahl al-Madina, des gens de Médine. Hadihi Taura, wal Injil. Regardez, et Taura, la Torah et l'Évangile. عند اليهود والنصارى. Elle est certes auprès de ces communautés-là, les Yahoud. والنصارى. فماذا تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ Et aujourd'hui, comment s'en servent-ils? Et est-ce qu'ils tirent profit de cela? C'est pour cela qu'ensuite un homme, Jubair ibn Nufir, قال فلقيت عبادة ابن صامت فلقيت عبادة ابن صامت. Cet homme-là, Jubair ibn Nufir, donc il dit qu'il a rencontré Ubada ibn Samit, le compagnon, le célèbre compagnon Ubada ibn Samit. Alors il lui dit, قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء. As-tu entendu, t'es-il parvenu ce que dit, est-ce que raconte Abu Darda, ton compagnon? فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. Donc il dit ensuite, je l'ai informé de ce que disait Abu Darda. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme on a dit précédemment, Abu Darda, donc c'est le compagnon qui rapporte le récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit précédemment, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a regardé vers le ciel, et il a dit que les gens, leur science, leur savoir sera dérobé, sera pris, alors qu'ils ne pourront rien faire. Ensuite, cet homme-là, Ziyad ibn Labid al-Ansari, ensuite, donc s'adressa ensuite au compagnon et lui dit, mais comment cette science pourrait nous être dérobée alors que nous lisons le Coran? Et quand ce Coran, certes, nous le lisons et on l'enseigne à nos femmes et à nos enfants. Et c'est là qu'ensuite, un homme qui va entendre cela, Jubair ibn Nufayr, il va dire à Ubad ibn Samit, au compagnon, sais-tu ce que raconte Abu Darda, le compagnon, ton compagnon? Alors, il lui rapporta ce que raconte Abu Darda. Et là, le compagnon Ubad ibn Samit, lorsqu'il a entendu ce qui lui est parvenu du compagnon Abu Darda, il a dit Sadaqa Abu Darda, Sadaqa Abu Darda, Abu Darda a dit la vérité, il a raison. In shi'ta la uhaddithaka bi awwali 'ilmin yurfa'u min an-nas. Et il dit, si tu veux, je te raconterai la première de ces sciences qui sera ôtée, qui sera prise, qui sera dérobée des gens. Cette première science qui sera prise des gens. Il lui dit al-khushu'. Écoutez bien, regardez ce qu'il lui dit, El Khushur, et c'est ça l'élément illustrant dans ce récit que je voulais vous raconter, c'était par rapport à cela. Regardez ce qu'il dit, je vais te raconter une chose, et certes la première des sciences qui sera prise des gens, El Khushur, la dévotion. La dévotion qui est le résultat de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, regardez ce qu'il dit, le compagnon, Yushiku an tadkhula masjid al-jama'a. Yushiku an tadkhula masjid al-jama'a fala tara fihi rajulan khashi'an. Subhanallah. Il disait, vous serez sur le point de rentrer dans une mosquée où il y a un groupe de gens, fala tara fihi rajulan khashi'an, et tu ne trouveras aucun parmi eux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, yushiku an tadkhula masjid al-jama'a fala tara fihi rajulan khashi'an. Il est sur le point, vous êtes sur le point de rentrer dans une mosquée et vous trouverez personne parmi cette jama'a, parmi ce groupe, ayant al-khashia, c'est-à-dire parmi eux qui soient en état de dévotion. Et ce récit-là est rapporté par l'imam Tirmidhi, wa qala hadithu hada hadithun hasanun gharib. Et l'imam Tirmidhi dit que c'est un hadith qui est Hassanoun, qu'il juge bon, Ghalib, et qui a été jugé bon par l'imam Sheikh al-Albani dans l'authentique de Sunan al-Tirmidhi. C'est pour ça qu'on a cette célèbre parole de Abdallah ibn Mas'ud aussi qui disait que Inna aqwaman yaqra'un al-Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum. Et il nous parle d'un peuple qui viendra et qui réciteront le Coran, mais cette récitation ne dépassera pas leur gosier. Walakin idha waqa'a fil qalb farasakha fi nafaha sahiba. Et il disait que, par contre, si cette récitation, elle atteint le cœur, alors ensuite, elle va s'établir, s'enraciner, si vous voulez, s'ancrer, et elle sera utile pour le récitateur. C'est-à-dire que cette récitation sera utile pour le récitateur. Et c'est pour cela que, فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء من لما فقدوا المقصود من وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعة بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم. C'est pour cela que le prophète sallam nous disait que أن العلم, que la science et la connaissance qui étaient auprès des gens du livre, Ahl al-Kitabayn, les gens du livre. Donc il fait allusion aux deux communautés al-Yahoud ou al-Nasara. Il dit, Donc, cette science qu'avaient les deux communautés, les gens du livre, ces communautés précédentes qui étaient avant nous, alors que ces livres étaient entre leurs mains, ils n'ont pas profité de cela, il dit. Il nous est rapporté, hein, un savant nous dit que le prophète Sam nous a enseigné que donc ces communautés-là n'ont pas profité de ce savoir. Pourquoi? Parmi eux, ceux qui n'ont pas profité de ce savoir, il n'a pas été utile pour eux, lamma faqadul maqsoud amin, lorsqu'ils ont perdu le but et l'objectif pour laquelle avaient été révélés ces livres et pour laquelle ces livres étaient descendus. Et quel était le but? C'est que ces écrits-là atteignent leur cœur. Jusqu'à ce qu'ils ressentent la douceur de la foi. Donc la douceur de la foi, on la ressent lorsque la récitation atteint le cœur et lorsque la récitation du livre d'Allah pénètre le cœur du récitateur, de celui qui le récite. Et c'est pour ça que ça, c'est très bénéfique lorsqu'en période de Ramadan et lorsque pendant cette période-là, on multiplie la lecture du Coran, on s'efforce de lire le livre d'Allah, alors il faut faire que cette lecture pénètre le cœur et atteigne le cœur. Pas comme ceux dont nous a décrit Abdallah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon, qui dit que une époque viendra, un peuple viendront, ils réciteront le Coran et leur récitation ne dépassera pas leur gosier. Et donc le but, c'est que cette récitation atteigne les cœurs. Et cela se fait avec la méditation. Et lorsqu'elle atteint le cœur, alors le serviteur va trouver, ressentir ce qu'on appelle halawat al-iman. C'est comme cela qu'il va goûter à la douceur de la foi. Et lorsque le serviteur va trouver la douceur de la foi, et lorsque cette récitation sera bénéfique, c'est là, regardez, les savants nous disent que parmi les profits, alors il sera épris d'une crainte d'Allah Jalla wa Ala, wal-inaba, et le fait de revenir à son Seigneur, et cela sera dans, et se trouvera dans leur cœur. Ça sera dans le cœur de l'individu. Mais si c'est juste une récitation qui reste à travers les langues, hein, c'est juste une récitation de la bouche, de la langue, sans que cela pénètre le cœur, alors cela sera un argument contre cet individu-là. Et pour cela, on a un autre verset aussi, vraiment un autre verset dans le Coran qui illustre cela et qui est vraiment très explicite. Et on va citer ce verset, on va conclure cette parenthèse concernant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le profit et l'utilité de cette science. Et que celui qui apprend cette science doit justement parvenir à cela pour que cette science-là et ce savoir-là et cette connaissance-là lui soient profitables et utiles et que celle-ci soit une lumière et qu'elle lui profite le jour de la rétribution, qu'elle soit un argument en sa faveur. Regardez, méditez un autre verset dans la sourate Al-Hadid, le verset 16. Méditez bien ce verset. Où Allah Jalla wa Ala nous dit: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Donc on a un verset où Allah Jalla wa Ala nous dit dans une traduction relative: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Regardez. L'idhikrillah, il n'est pas venu le moment pour ceux qui ont cru, n'est-il pas venu ce moment-là pour ceux qui ont cru, Allah Jalla nous dit en traduction relative du sens du verset, que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, c'est ça le but de ceux qui ont cru, c'est qu'il y ait cette sorte d'humilité et d'apaisement dans le cœur face à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ensuite Allah Jalla wa Ala nous dit: Wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous dit: Et devant ce qui est descendu de la vérité et ne doit point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. C'est-à-dire, et de ne pas être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Regardez, Allah Jalla wa Ala nous dit ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد qu'ils ne soient pas comme ceux avant qui ont reçu le livre et qui ont trouvé le temps long alors qu'ils trouvèrent le temps assez long. Et Allah Jalla wa Ala nous dit فقست قلوبهم et leurs cœurs se sont endurcis. Et beaucoup d'entre eux, et Allah Jalla wa Ala dit وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ. Regardez, Allah Jalla wa Ala nous parle de cette dureté des cœurs. Regardez, lorsqu'il nous a parlé de الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Et donc ça, c'est vraiment un verset qu'il faut méditer. En l'occurrence, ce verset, c'était la cause de la méditation de beaucoup d'hommes. Regardez par exemple, et même là, le repentir nous a rapporté par exemple l'un des grands imams qu'on avait déjà mentionné sa biographie dans des allocutions précédentes, le grand imam Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Il est mentionné dans sa biographie, il est mentionné qu'avant il était connu pour être un brigand et il attaquait les caravanes de marchandises. Et les gens en avaient une peur. À l'époque, les gens, juste à l'évocation de ce nom, ils avaient peur de El Fouda, il l'est rapporté dans sa biographie. Et donc, il était connu que avant, parmi ce qui est rapporté, hein, comme je vous ai dit précédemment dans sa biographie, c'était un homme qui était une sorte de brigand, de bandit et qui attaquait les caravanes. Et les gens en avaient peur. Et lorsque les gens, justement, passaient en caravane, ces voyageurs, alors ils craignaient. Et la simple évocation de son nom, les gens en avaient peur. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté un jour, il a entendu ce verset. Il a entendu ce verset que je viens de vous réciter, ce verset qui est immense. Alors il dit qu'un jour, il a entendu la récitation de ce verset. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَعْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Et lorsqu'il a entendu ce verset, il est rapporté qu'ensuite, il s'est repenti à Allah Jalla wa Ala. Il s'est repenti et il va devenir l'un des plus grands dévots et l'un des plus grands ascètes de son temps. Et il va marquer son époque de cela, jusqu'à ce qu'il va devenir l'une des plus grandes références d'ascétisme, de dévotion, de délaissement des biens de cette vie et des jouissances de cette vie d'ici-bas. Et vraiment, ça va être un repentir qui va être vraiment sincère. Et de ce fait, il ne va jamais revenir à cela. Il va se repentir d'une manière sincère, jusqu'à ce que, parmi les conditions de se repentir, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il s'est repenti, qu'il irait vivre à la Mecque. Pourquoi? Parce que lui, il était de cette région qu'on appelle la région de Khurasan, et plus précisément à Samarkand, dans cette grande ville et contrée de Samarkand, en région de Khurasan, c'est à peu près l'Ouzbékistan actuel. Et de ce fait, il fit ce sorte de serment d'aller vivre après son repentir, d'aller vivre à la Mecque et d'y rester. Et vraiment ensuite, ça va devenir l'un des plus grands dévots de son temps. Il va être une preuve d'ascétisme et ses sagesses sont toujours utilisées et les gens profitent toujours de ses sagesses jusqu'à aujourd'hui. Et il est même dit dans sa biographie ensuite, il se rendra à la Mecque et il mourra là-bas. Il mourra à la Mecque, donc il fera partie des habitants de la Mecque. Jusqu'à ce qu'à l'époque, les gens, ils témoignent qu'à son époque, ses compagnons qui ont vécu avec lui, il dit, lorsque nous sortions en compagnie d'Al-Fudayl pour suivre un convoi funèbre, par exemple, le cortège funéraire, alors il disait, il ne cessait de nous exhorter et de nous faire des rappels. Il pleurait tel un homme faisant ses adieux à ses compagnons avant de s'en aller vers l'au-delà. Une fois arrivé au cimetière, il s'asseyait. On aurait dit qu'il gisait parmi les morts, tant il était triste et tant il pleurait. Puis il se levait comme s'il s'était rendu dans l'au-delà et qu'il voulait nous en informer. Donc vraiment, les gens qui ont vécu à son époque, ils témoignent de sa dévotion. Regardez, ce verset, à l'écoute de ce verset qu'on vient de mentionner, alors il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala et est devenu l'un des plus grands dévots de son temps. Et il a marqué son époque jusqu'à ce qu'il devienne une grande référence. Et vous trouvez sa biographie dans les livres de biographies concernant les grands imams et ceux qui ont marqué la nation musulmane. Regardez le verset comment est une cause, ce verset-là qui est immense, est une cause du repentir de ce grand imam. Et c'est pour ça que Allah Jalla wa Ala guide qui il veut. Regardez, il y avait un compagnon par exemple qui s'appelait Abu Dhar al-Ghifari. Et c'était célèbre que Abu Dhar al-Ghifari venait d'une tribu aussi. C'était une tribu qui avait le monopole et le contrôle sur les caravanes. Ces caravanes qui transportaient les marchandises à l'époque, hein, dans le désert. Et eux, ils étaient dans la périphérie de la Mecque. Et cette tribu de Rifar, qui était affiliée, qui était descendante de la tribu de Kinana, qui est descendante de Kinana, comme il est dit dans son généalogie. Et Banu Rifar, c'est connu, donc c'était une tribu qui avait le contrôle sur les caravanes et qui pillait les caravanes. Et lui, Abu Dhar, faisait partie de cette tribu. Et plus tard, regardez, il va faire partie des premiers convertis à l'islam. Des premiers convertis à l'islam. Et lui, ensuite, il va revenir vers sa tribu. Alors que lui, dans sa biographie, il est dit que lui aussi, il était connu, hein, qu'il pillait avec sa tribu des caravanes. Et lorsqu'il va se repentir, il va embrasser l'islam. Il va devenir l'un des plus grands dévots et adorateurs parmi les compagnons du prophète. Il va devenir parmi les compagnons que le prophète aimait tellement, tellement qu'il y a des récits qui sont immenses, des récits qui sont immenses. Même lorsqu'ils ont fait, par exemple, il y a eu la bataille de Hunayn, lorsqu'un homme est venu de loin, et le prophète, alors qu'il était avec ses compagnons, il dit, en espérant que ce soit Abu Dhar, il disait Abu Dhar. Et c'est Abu Dhar, justement, qui vint de loin, et le prophète s'est réjoui de la venue de Abu Dhar. Ensuite, Abu Dhar fait part au prophète que lorsqu'il venait, il était avec son chameau, avec sa monture, elle n'a plus voulu continuer le voyage. Alors ensuite, il l'a laissé, il a continué à pied jusqu'à ce qu'il a rejoint le prophète et ses compagnons à Hunayn. Le prophète aimait énormément Abu Dhar. Et Abu Dhar va devenir une grande référence. Donc parmi les premiers convertis, parmi ceux qui ont embrassé l'islam en son temps. Ensuite, il reviendra vers sa tribu lorsqu'il va embrasser l'islam auprès du prophète. Il va revenir vers sa tribu et il va appeler sa tribu à l'islam. Et il est rapporté qu'au début, la moitié de sa tribu, il va être... Le biais, on va dire la cause plutôt, il va être la cause pour que la moitié de sa tribu va se convertir et rentrer et embrasser l'islam. Ensuite, après, lorsque le prophète sallam fera l'immigration vers Médine, toute la tribu se convertira à l'islam et rejoindront le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tellement les gens à l'époque, cette tribu avait une sorte de notoriété, les gens en avaient peur. Lorsqu'il est rapporté que lorsque Abu Dhar al-Ghifari, justement, a embrassé l'islam, et lorsqu'il a extériorisé son islam d'une manière publique, hein, il a extériorisé cet islam publiquement devant les Quraysh, il n'a pas eu peur, devant les Quraysh, il a prononcé son islam publiquement. Alors ensuite, il est rapporté qu'ils ont commencé à se ruer sur lui et à le frapper. Ils ont commencé à le frapper. Et c'est là qu'il est rapporté que l'oncle du prophète, Al-Abbas est venu et leur a dit « Faites attention, attention, c'est un homme parmi le clan de Rifar, Beni Rifar. » Et donc il leur dit « Peut-être que cela occasionnera des problèmes avec eux. » Et de là, ils l'ont laissé. Donc regardez ensuite, lorsqu'il a embrassé l'islam, il est devenu l'un des plus grands dévots. C'est pour ça que Allah guide qui veut. L'important, c'est que la personne, lorsqu'il se repentit, ensuite qu'il tient sur ce repentir, qu'il ne revient jamais en arrière. Il ne faut jamais revenir en arrière. Regardez ces imams. Regardez Al-Fudayl, lorsqu'il s'est repenti, il avait fait le serment d'aller à la Mecque. Il est parti à la Mecque et il a terminé sa vie là-bas jusqu'à ce qu'il en ait mort là-bas. Il ne faut jamais revenir sur son repentir. C'est pour ça qu'on demande et on implore Allah qui nous accorde la fermeté et la constance sur sa religion et qui nous fasse quitter ce monde sur sa religion. Regardez par exemple, parfois Allah Jalla wa Ala a ouvert le cœur à guider des gens dont jamais, jamais les gens de leur époque auraient pensé que ces gens seraient guidés. Regardez à l'époque de l'invasion de ces Mongols, des Tatars et des Mongols, comme on avait déjà fait allusion dans d'autres allocutions. L'une des plus grandes épreuves qui a touché la nation musulmane, l'une des plus grandes épreuves, elle a touché d'autres nations aussi, comme elle a touché aussi la nation chrétienne, mais le plus la nation musulmane, l'une de comme l'ont évoqué certains grands savants qui ont écrit, certains grands auteurs de livres, qui ont vécu à cette époque, comme ils le disent, l'une des plus grandes épreuves qui a atteint, qui a touché, qui est tombée sur la nation musulmane. Mais regardez, parmi l'un des grands chefs, le petit-fils du fondateur, Genghis Khan, qui était le fondateur des Mongols, de ces envahisseurs qui ont commis les plus grands crimes de guerre que cette terre n'ait jamais connus. Parmi les plus gros crimes de guerre que cette terre n'ait jamais connus, certains savants disent même juste depuis Adam. Depuis Adam. Et bien, Genghis Khan, qui était le fondateur, il avait l'un de ses petits-fils qui s'appelait Barakatou Khan. Barakatou Khan, qui était l'un des grands chefs des Mongols. L'un des grands chefs des Mongols. Et bien, lui, il est rapporté qu'il va se convertir à l'islam. Avec son armée. Il va se convertir à l'islam. Et ensuite, lui-même, il va se retourner contre sa nation à lui. Avec son armée, il va se retourner contre sa nation à lui et combattre les Mongols. Regardez comment Allah Jalla fait ce qu'il veut. C'est lui qui détient les cœurs et il guide les cœurs qu'il désire, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la guider, il faut l'implorer, il a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakatou Khan, ensuite il va combattre Ulaku Khan. Ulaku Khan qui était un autre petit-fils aussi. Et l'un des grands généraux et fondateurs aussi de cette on va dire, dynastie, hein. Mongol, et Ulaku Khan, c'est lui justement qui sera à la cause de la chute de l'empire abbasside, et c'est lui qui va commettre le plus grand crime qu'il n'ait jamais connu, la Bagdad en Irak. Et Barakatou Khan, lorsqu'il va se convertir à l'islam, il va venger les musulmans justement, et il va se retourner contre sa nation et combattre les Mongols. Regardez comment Allah Jalla Wala ouvre les cœurs de qui il veut. Et à présent qu'on a parlé de on s'est fait un rappel sur un long rappel sur Al-Khashia. Donc on a évoqué des versets du Coran avec des paroles de savants, on a fait des citations, des prix de passages dans certains livres concernant des paroles de grands savants avec ces récits qu'on a mentionnés. Maintenant on s'est fait un rappel, sur l'importance de la science. Et pourquoi on s'est fait ce rappel? C'est pour que cette science et ce savoir deviennent réellement et véritablement bénéfiques pour celui qui apprend. Et pour celui aussi qui écoute les rappels, pour que ces rappels-là soient bénéfiques. Et que ces rappels-là adoucissent et apaisent les cœurs. Il faut atteindre cela. Et pour qu'ensuite la personne connaisse Halawat al-Iman, ce qu'on appelle Halawat al-Iman. Et pour aussi que lorsqu'on ouvre le livre d'Allah, lorsqu'on ouvre Kitab Allah, et bien que la personne, cette lecture-là, soit une cause pour l'apaisement de son cœur. Et soit une cause pour l'adoucissement de son cœur. C'est pour ça qu'il était important de parler de cela. À présent, on va continuer sur l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen sur les montagnes maintenant. Lorsqu'Allah Jalla Wala nous a détaillé la création. Et Allah, dans ce verset qu'a mentionné Cheikh Ibn Uthaymeen dans la sourate Fussilat, les versets détaillés. Donc Allah Jalla Wala, lorsqu'il nous a parlé de la création d'une manière détaillée, donc lorsqu'on a appris qu'il y a eu 2 jours pour la création des cieux, ensuite 2 jours où il y a eu ensuite la création des montagnes, qu'Allah a béni cela, et ensuite qu'Allah Jalla Wala a établi toute la subsistance ou tout ce qu'aura besoin, tout ce qu'auront besoin les habitants. Donc lorsqu'on a parlé de cela, et tout cela s'est fait en 4 jours, ensuite les 2 autres jours pour la création des cieux, à présent, sachez que il est important de méditer cela, et Cheikh Ibn Uthaymeen va faire un point concernant la création des montagnes. Et ce détail-là, on l'avait dit, hein, comme on a dit précédemment, lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen a évoqué le verset 9. De la sourate Fussilat, lorsqu'Allah Jalla Wala dit « قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc ce verset. Ensuite Allah dit وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. Et ensuite Allah dit وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Rawasiya min fawqiha, Allah, avec ce terme-là, fait allusion aux montagnes. Rawasiya min fawqiha, c'est les montagnes qui ont été fermement établies sur terre. Et à savoir que celui qui va méditer cela, c'est-à-dire la création des cieux et de la terre, et dans la terre, on a la création des montagnes, alors là, il va se rendre compte de l'immensité de cette création et de la perfection de cette création. C'est pour cela que cette création, il faut l'observer. C'est pour ça qu'il est très pertinent, comme on a dit dans les cours précédents, que l'imam Bukhari ait fait allusion à ce verset lorsqu'Allah Jalla Wala nous enseigne qu'il a créé les cieux et la terre bilhaq. Pourquoi? Parce que l'ignorant, insouciant, c'est lui qui considère qu'elles ne sont là sur Terre que de manière superflue, c'est-à-dire ces montagnes. Parmi les choses à méditer, les montagnes. Un ignorant, quelqu'un qui est insouciant, il va penser que les montagnes, elles sont là, d'une manière superflue, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'utilité. Alors qu'en réalité, lorsqu'on observe juste la création des montagnes, et lorsqu'on essaye de concevoir ici réellement le bienfait, l'utilité des montagnes, on va se rendre compte de la perfection de la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut, vraiment observer d'une observation contemplative, comme on dit. Il faut vraiment contempler la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette contemplation ensuite va nous mener vers la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vers la crainte de cet immense créateur, Parmi les bienfaits, à savoir les utilités de ces montagnes, à savoir que avec les montagnes, ce qu'il faut savoir, comme Ibn Qayyim dans ses méditations, Ibn Qayyim va parler justement des montagnes. Il va mentionner les bienfaits que beaucoup ignorent, beaucoup pensent que c'est superflu, alors qu'en réalité, les montagnes ont une fonction immense, Premièrement, regardez, vous voyez que la montagne, elle retient les neiges. Et de ces neiges, ensuite, plus tard, peuvent se former des rivières et des fleuves. C'est pour ça que les savants nous disent qu'à proximité des montagnes, vous allez trouver qu'il y a des rivières, qu'il y a des fleuves. Lorsque, ensuite, ces neiges-là, ensuite, elles forment de sortes de torrents qui vont s'écouler en abondance. Et ensuite, ça va transformer certaines gorges en rivières et en fleuves. Et de ce fait, sur son passage, alors ça va faire pousser des pâturages, ça va être la cause parfois de vallées, de collines verdoyantes par exemple, où il va avoir l'apparition de toutes sortes de plantes, de fruits, etc. Et ces choses-là, parfois, on les trouve nulle part ailleurs. Ni dans les plaines, et encore moins, par exemple, sur les bords de mer. Regardez, ça fait partie des fonctions des montagnes. Les savants nous disent aussi, comme c'est évoqué dans un verset, que les montagnes sont une barrière contre les vents dévastateurs. Pourquoi ? Parce que souvent, vous observez que lorsqu'il y a des vents dévastateurs, souvent ces montagnes-là sont une sorte de rempart et elles protègent les gens de ces vents dévastateurs, comme c'est mentionné aussi. Et aussi, dans les montagnes, on voit que les montagnes, elles hébergent en leur sein et en leur cime, il y a des grottes et des cavernes, il y a des cavités qui sont des refuges. Et ces montagnes aussi, il est rapporté aussi, comme dit Ibn Qayyim, c'est une citadelle, ce sont des citadelles et des forteresses pour les gens. C'est pour ça qu'elles constituent ces montagnes des abris et des lieux où les hommes et les animaux viennent à s'y réfugier. Et parfois, l'homme ne va trouver aucun meilleur abri, si ce n'est l'abri des montagnes, au sein de ces grottes, de ces cavernes, de ces cavités. Et aussi, il est rapporté parmi les bienfaits que de ces montagnes, on extrait tout type de pierres et de roches, par exemple, et qui plus tard vont servir à la construction d'édifices, par exemple. C'est dans ces montagnes qu'on retrouve tout type de minéraux. Vous avez tout type de minéraux et toute variété. On les retrouve dans les montagnes. Par exemple, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, les émeraudes, par exemple, le fer. Et c'est pour cela que si on observe vraiment, on se rend compte que les montagnes, elles renferment des ressources et des richesses et des avantages que seul Allah, Jalla wa Ala, connaît. Celui qui les a créés et les a façonnés, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, comme on l'a cité précédemment, donc l'utilité de la montagne, sont nombreuses. Il faut juste méditer et il faut observer d'une observation contemplative et vraiment observer le bienfait de cela. Et ce n'est pas en vain qu'Allah Jalla wa Ala ait créé les montagnes. Parmi les profits aussi, à ne pas négliger, à réfléchir dessus, parmi les utilités de ces montagnes aussi, avant d'oublier par exemple, c'est sur les pentes des montagnes qu'il est dit que poussent des plantes médicinales. Ces plantes médicinales, elles vont constituer ensuite une sorte de médecine traditionnelle. Et c'est dans laquelle, dans cette médecine-là et dans ces plantes-là, qu'on trouve nombre de remèdes qu'on ne trouve pas dans les plantes, ou dans les plaines plutôt, dans les plaines ni sur les bords de mer. C'est vraiment ces plantes médicinales qu'on retrouve, hein, sur les pentes des montagnes, sont vraiment un bienfait et font partie aussi de la médecine traditionnelle. C'est pour cela que dans ces plantes médicinales-là, il y a nombre de remèdes qu'on peut s'imaginer. Ça fait partie des bienfaits. Ça fait partie des bienfaits. De manière aussi, dans les plaines et dans les bords de mer aussi, on retrouve des bienfaits. Mais dans chaque sauge, il y a des bénéfices, il y a des avantages, il y a des sagesses que seul le grand créateur, l'omniscient, connaît. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, même au niveau de la création, et comment Allah Jalla a créé les montagnes, et comment Allah Jalla nous en a informé dans le Coran, il y a des signes jusqu'à aujourd'hui. Même certains grands spécialistes géologues, hein, qui sont spécialistes de tout ce qui est lié à la science des montagnes, certains avec la science moderne, hein, certains géologues, ils ont découvert des choses qui nous sont mentionnées dans le Coran. Depuis près de 15 siècles. Par exemple, qu'elles ont été créées en piquet, et l'ont découvert il y a un certain temps, alors que cela est mentionné dans le Coran. Cela est mentionné dans le Coran, et le terme est clairement cité et dit dans le Coran. C'est pour ça, dans la création des montagnes, il y a un miracle immense. Et il y a des profits qui sont inestimables. Pour ça fait partie des choses de la création à méditer. Cela nous mène à quoi? L'aboutissement est que la personne va se rendre compte de la grandeur du Seigneur, Subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer cela dans la prochaine allocution, Inch'Allah, sur les détails, certains détails de la création que va nous mentionner Cheikh Ibn Al-Haythaymine dans son commentaire. Avant de conclure, je voudrais vous faire deux annonces, donc deux informations plutôt. On a deux informations. Alors, la première information concernant le projet qui est en train de mener la mosquée. On demande à Allah Jalla qu'il facilite ce projet, qu'il soit mené à bien. Vous avez pu savoir que la mosquée de Maison Alfort essaye d'organiser la distribution de colis, donc la collecte de denrées alimentaires, pour qu'ensuite ça soit redistribué à des familles qui sont dans la nécessité, qui sont dans le besoin. Donc là, la mosquée, Walillah alhamd, a une liste, hein, elle a la connaissance de familles qui sont dans le besoin, que ce soit des femmes seules, des femmes qui sont démunies, qui sont vraiment dans le besoin avec leurs enfants, ou d'autres familles, par exemple des familles nombreuses, qui ce qu'ils touchent à la fin du mois n'est pas assez pour pouvoir subvenir aux besoins quotidiens. Donc, Walillah alhamd, d'une manière générale, la mosquée a la connaissance. À la connaissance d'une liste de familles qui sont vraiment dans le besoin et qui sont dans la nécessité. Et de ce fait, c'est pour cela qu'elle demande, hein, et qu'elle exhorte à l'entraide. Donc elle sollicite votre aide, et c'est pour cela qu'elle a lancé une collecte. Donc là, l'organisation se fait de telle manière que la mosquée commence d'abord la collecte de dons. Ensuite, après qu'elle ait les dons, elle va se charger donc des frères de la mosquée, des membres de la mosquée et des bénévoles vont se charger d'aller acheter les denrées alimentaires. Et ensuite, ça sera redistribué aux familles nécessiteuses et aux familles qui sont dans le besoin. C'est pour cela qu'on demande, Inch'Allah, on sollicite votre générosité, surtout en ce mois de générosité, au mois du Ramadan. Donc c'est une occasion. Vous savez, dans les années précédentes, il était très difficile de trouver des projets qui étaient fiables et des projets sérieux. C'est pour cela que dans les années précédentes, hein, on voit beaucoup de frères, eh ben, rechercher des associations justement qui menaient à bien des projets qui étaient sérieux et qui étaient fiables et dignes de confiance. Et parfois, il était même dur, il était très difficile de trouver des projets sérieux. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a l'occasion que certaines mosquées s'occupent de projets fiables et de projets sérieux. Donc, il faut pas manquer l'occasion. En l'occurrence, là, on est dans un mois où que celui qui va venir en aide à des familles qui sont dans le besoin, surtout lorsque c'est lié aux denrées alimentaires, lorsque c'est lié à l'alimentation, lorsque c'est lié à la nourriture, à la subsistance des êtres, sachez qu'Allah est dans l'aide de ses serviteurs tant que ceux-là sont dans l'aide de leurs frères. Donc, c'est vraiment une œuvre qui est vraiment bénéfique, qui est grande. auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'on sollicite votre aide et la mosquée sollicite votre aide. Là aujourd'hui, walillah alhamd, on remercie tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont participé à ces dons, à la recueilli depuis le début, hein, depuis le début de la collecte, elle a recueilli à peu près 1800 euros. Donc comme on a dit précédemment, cet argent-là, et elle sollicite encore les dons, comme ça, cet argent-là, elle permettra d'acheter dans un premier temps les denrées alimentaires, et ensuite, elle sera redistribuée. Ces denrées alimentaires seront redistribuées pour les familles, comme on a dit précédemment, qui sont dans le besoin. Pour cette raison, celui qui est vraiment conscient du bienfait qu'Allah Jalla Wala lui a donné la vie en ce mois et qu'il peut agir, soit il a le temps pour pouvoir faire des bonnes œuvres, soit aussi la capacité physique, il a la santé pour pouvoir faire des bonnes œuvres, et aussi celui qui a les capacités financières pour pouvoir aider les autres, venir en aide des autres, alors il faut saisir cette occasion, surtout en mois du Ramadan, et surtout lorsque la personne elle est dans une période où il a, et ne pas attendre qu'il n'a pas. Parce que s'il attend qu'il a plus, on ne sait pas de quoi il fait demain. Seul Allah Jalla wa Ala sait, c'est lui qui prédestine tout. Si la personne demain qui n'a plus, il n'a pas cette capacité financière qu'il avait aujourd'hui. Si lorsqu'il l'avait, il donnait, il dépensait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va jamais regretter ces dépenses-là. Et ces dépenses-là, elles sont inscrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'oublie pas. Et celui qui omet rien, subhanahu wa ta'ala. Donc ça sera inscrit sur ses registres. Tandis que celui qui, demain, on ne sait pas, qui aujourd'hui avait une bonne situation et demain, il aura une moins bonne situation, financière, par exemple. Et lorsqu'il réfléchira que lorsqu'il y avait une bonne situation, il ne donnait pas, alors là, il pourra être pris de regrets. De regrets et vraiment regretter ces périodes-là. C'est pour cela, ou bien, imaginez-vous une personne aujourd'hui qui est sous sa tombe, une personne qui a plus cette vie pour pouvoir agir, imaginez-vous, essayez de concevoir un peu les regrets de ceux qui n'ont pas agi alors qu'ils avaient la capacité d'agir. De plus, parmi les bienfaits, le fait que la personne, il est confiné. Donc il sait que cette dépense, personne ne la voit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez celui qui, par exemple, aide. Les gens ne savent pas, il est chez lui, il a la capacité de pouvoir aider, de pouvoir venir en aide à des nécessiteux, de pouvoir participer à un projet qui est fiable et digne de confiance et louable. Lui, il peut participer à cela sans que personne soit au courant. Et là, cette action, il la met entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul connaisseur de cela est Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, de ce fait, on peut avoir du mérite, un mérite immense par rapport à cette sincérité-là. Par rapport au fait de faire une œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère dans cela. Et la personne ne sait pas, peut-être que ça fait partie de ses dernières œuvres. La personne n'a pas la connaissance de ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter. Regardez Allah Jalla wa'ala dans Surat al-Baqarah lorsqu'il commence la sourate. Après qu'il ait dit Alif la mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Certains livres dont il n'y a aucun doute. Hudan lil-muttaqin. Une guidée pour les pieux, pour les vertueux. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Regardez, Allah Jalla wa'ala ensuite va faire la description de ceux qui ont cru en ce livre et qui œuvrent. Allah va nous dire ceux qui ont cru en l'inconnu, en l'invisible et qui accomplissent la prière et de ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Ils dépensent de ce qu'on leur a donné. C'est pour ça, dans beaucoup de versets, l'accomplissement de la prière, il est lié à la donation. Pourquoi ? Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous parle des croyants, justement, de ceux qui sont détenteurs de l'iman, qui ont la foi, qui ont l'iman, Allah Jalla wa Ala nous parle de l'accomplissement de la prière et de la donation, le fait qu'ils dépensent dans le chemin d'Allah. Pourquoi ? Parce que ça fait partie vraiment de l'iman. Celui qui dépense dans le chemin d'Allah, dans le sentier d'Allah, celui qui donne en aumône, et ben là, il est en train de prouver sa foi qu'il a en Allah, subhanahu wa ta'ala. Surtout qu'il n'est pas aisé pour beaucoup de sortir et de donner de ce qu'on possède. Il n'est pas facile. Il n'est pas aisé de donner de ce qu'on possède. C'est pour cela que ça fait partie des choses par lesquelles on se rapproche d'Allah, parce que on sort quelque chose, on donne de quelque chose qui nous est cher, qu'on veut garder, mais là on le donne et on le sort vraiment et véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et méditez un des hadiths d'Abu Darda. Il nous a rapporté qu'Abu Darda nous mentionne un hadith qui est immense dans ce sujet-là. Il nous a dit dans le récit que le soleil ne s'est jamais levé sans qu'il y ait à ses côtés deux anges. c'est-à-dire sur chacun de ses côtés, deux anges qui appellent ô Allah, donne en échange à celui qui dépense, et ô Seigneur, accorde la ruine et la destruction à celui qui retient, c'est-à-dire celui qui ne dépense pas. Regardez ce récit d'Abu Darda qui nous dit que le soleil ne s'est jamais levé sans qu'il n'y ait à ses côtés, à chaque côté, deux anges. Ces deux anges, qu'est-ce qu'il dit ? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ces deux anges, ils disent, ô Seigneur, donne à ceux qui dépensent en échange. Khalafa, c'est-à-dire donne-leur en échange. Donne-leur compensation de ce qu'ils donnent et de ce qu'ils dépensent. Et par contre, ils disent, walil mumsik, el mumsik, c'est celui qui retient, qui ne donne pas, qui ne dépense pas. Les anges invoquent Allah en disant, et lui accorde-lui ruine. Accorde la ruine. At-talaf, c'est une sorte de ruine et de destruction. At-talaf. Pour celui qui ne dépense pas. Donc ça, c'est vraiment un hadith, vraiment un récit qui exhorte à donner. Donc vous avez vu, dans le Coran et dans la tradition du prophète, il y a de nombreux textes, hein, on n'a pas le temps d'évoquer les textes vraiment qui exhortent vraiment à donner et faire preuve de générosité en ce mois de générosité. Et deuxième information pour terminer, pour ceux qui connaissent et qui côtoient la mosquée d'Orly, vous savez, depuis un certain nombre d'années, la mosquée a un projet et c'est l'expansion. C'est l'expansion de la mosquée, c'est-à-dire agrandir la mosquée. Du fait que, par rapport au nombre de fidèles, que ce soit pour le vendredi ou autre occasion, la mosquée est petite. Et donc maintenant, la mosquée se fait trop petite. C'est pour ça que depuis des années, la mosquée et les membres de la mosquée ont un projet. Et ça date, hein. Ont un projet, c'est l'expansion de cette mosquée, de l'agrandir. Donc le projet est présent. Les schémas sont présents, c'est-à-dire venant de l'architecte, etc. Sauf que ce qu'il manque parmi les choses, hein, parmi les choses qui manquent, c'est le permis. Le permis. Donc pour la mosquée, il lui faut un permis pour pouvoir mener à bien ce projet qui est l'extension de la mosquée. Sauf que pour avoir ce permis, comme vous le savez tous, il faut l'autorisation des autorités, en l'occurrence de la mairie. Sauf que la mairie, ça fait plusieurs fois qu'elle refuse. Donc elle refuse, c'est pas la première fois, hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle ne fait que refuser les demandes. Donc là, les demandes ont été posées, la demande d'un permis de construction a été posée maintes fois et plusieurs fois, et elle ne fait que refuser. Donc à chaque fois en prétextant, hein, bon il y a des causes, sauf que toutes les causes qui ont été demandées, toutes les choses qui ont été demandées de la part de la mairie, ensuite les membres de la mosquée ont exécuté les demandes. Par exemple, toutes les mesures de sécurité qu'il faille pour le bien-être de la mosquée, alors tout cela a été fait. Donc tout a été remis en norme, on va dire en quelque sorte, les normes de sécurité ont été remis en norme, tout a été fait au niveau sécurité, pour l'accueil des fidèles et autres. Malgré cela, le refus ne cesse d'être présent et il y a eu encore un dernier refus là. Donc là, ce que les membres de la mosquée demandent, ce qu'ils demandent, ils sollicitent leurs frères, hein, et leurs sœurs, la communauté. Si vous avez des connaissances pour aider, des connaissances, ou si vous avez un savoir-faire, ou si vous vous y connaissez dans le domaine, s'il y a l'un d'entre vous qui s'y connaît dans le domaine, dans le fait de poser une demande de permis, et comment avoir recours à cela lorsqu'il y a plusieurs refus, parce que c'est pas le premier, malheureusement, il y a eu plusieurs refus. Si parmi vous, il y a des gens qui ont une connaissance dans cela, ou qui connaissent des gens qui ont du savoir à ce niveau-là, et qui peuvent aider, qui peuvent apporter leur aide à cela, soit en connaissant par exemple les recours qu'il faille pour pouvoir reposer une demande, comment accéder justement à un avis favorable, parce qu'on ne peut pas, on pourra pas continuer à la mosquée et agrandir la mosquée et commencer les travaux de la mosquée sans le permis. Et ce qui gêne depuis des années, hein, et là ça fait vraiment vraiment des années, hein, ça fait vraiment des années que cela et le projet de la mosquée de l'agrandir. Elle avait même déjà à l'époque commencé à récolter des fonds. Et cela ne voit pas le jour parce qu'il n'y a pas encore d'autorisation. Il n'y a pas ce permis de construire encore, l'autorisation à l'expansion. C'est pour cela la demande est toute simple. S'il y a des gens parmi vous qui connaissent, qui peuvent apporter une aide, Inch'Allah, alors les gens de la mosquée, Inch'Allah, sont ouverts à toute proposition. Si vous avez des conseils, si vous connaissez, je ne sais pas, vous avez des conseils juridiques, je ne sais pas si vous avez une connaissance dans tout ce qui est juridique ou autre, marhaban bikoum, wallahu a'lam. Et je vous souhaite à tous un bon ramadan, inshallah, en espérant qu'Allah Jalla wa'ala nous facilite l'accomplissement et l'action des bonnes œuvres en ce mois. Wallahu a'lam. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد كما نسأله جل وعلا يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أو أتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.